Section 78 de la lecture, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 3e. Section 78. Croquis de Mars par Gustave Geffroy. Chapitre 2. Au concert du dimanche. Il est arrivé quelquefois à des écrivains socialistes de partir en guerre, une plume chargée à mitraille au poing, contre les manifestations artistiques de tous ordres. Rien ne trouve grâce devant ces apôtres atrabilaires, mal inspirés. Ils passent avec des airs bourrus devant les portes des musées et des bibliothèques, regardent de loin, en haussant les épaules, la foule qui assiège les guichets des expositions ou envahit les couloirs des salles de concert. N'apportant aucun tempérament dans leur jugement, ignorant des circonstances atténuantes, ils condamnent en bloc tout ce qui ressemble à un rythme, à un son, à une couleur. Devant leur tribunal, les accusés comparaissent pêle-mêle, égaux devant l'accusation et la condamnation. L'opérette dégénérée et le prélude de Chopin sont déclarés bons à rejoindre le sonnet d'Oronte et le sonnet de Baudelaire et le sonnet de Soulary et le sonnet d'Arvert et tous les sonnets. Rembrandt et la petite demoiselle qui reproduit des cabanelles sur des assiettes sont renvoyés dos à dos. On ne reconnaîtra donc pas une bonne fois que l'art est simplement en train de prendre la place de la religion. Il y a eu en Grèce et pendant le Moyen-Âge alliance entre l'art et la religion. Depuis le XVe siècle, il y a antagonisme. L'art chrétien est mort et enterré. Les sculpteurs et les peintres n'ont plus de vision des enfers romans et des paradis gothiques. La pierre s'anime, rit, pleure et pense comme l'humanité. La nature tout entière est exprimée par les lignes, les couleurs et les sons. Le poète, le statuaire, le peintre et le musicien élèvent autel contre autel, parlent avec plus de tendresse et d'autorité que le religieux. Le comédien sert la messe. Du premier coup, l'Église comprit que le théâtre était l'ennemi. Le prêtre flaira un concurrent redoutable dans le comédien, dans cet homme qui, comme lui, revêtait des vêtements spéciaux, comme lui, inventait des jeux de physionomie et des intonations, comme lui, montait sur des tréteaux pour parler au peuple. Et que disait-il, cet acteur, cet histrion grimé qui entrait dans toutes les peaux et jouait tous les rôles? Il ne parlait pas du ciel, d'une vie extraterrestre. Il respectait l'affiche de la maison de Dieu, exploitait un répertoire particulier, ne s'occupait que des choses de la terre, du train ordinaire de la vie, des tristes ou comiques réalités. Il glorifiait les beaux sentiments, les grandes actions, mais des sentiments nés des rapports des hommes entre eux, des actions inspirées par ses sentiments. Enfin, il riait. Cela, c'était terrible, car il riait de tout et de tous. Il riait du pauvre et du riche, de l'exploité et de l'exploiteur. Il riait du seigneur et du roi. Il riait du prêtre. Alors, le prêtre déclara la guerre au comédien, le déclara indigne, l'excommunia, refusa de bénir son cadavre. Et cette guerre s'est continuée, se continue encore aujourd'hui. Au XVIIe siècle, en face de Bossuet, déclamant en chair, se dresse Molière jouant Tartuffe. Figaro est un des personnages de la Révolution. Giboyer polémique avec Veuillot. Et même, quand il n'y est pas livré une bataille d'idées, le théâtre combat l'influence de l'Église. L'opéra et la comédie, le drame et le vaudeville, l'opérette et le ballet, les exercices des clowns et des dompteurs, la chanson et la pantomime font concurrence aux messes chantées au salut, célébrées dans les ténèbres, aux stations du chemin de la croix, aux cérémonies du mois de Marie. Le Père noble récolte plus de respect que le Père éternel. Les souffrances du Christ pâlissent auprès de la douleur du jeune premier. La prima donna, la tragédienne, la ballerine rivalisent avec la Vierge et les martyrs. Que les comédiens le veuillent ou non, ils officient et vaticinent pour la libre pensée. Vallès avait raison de célébrer Schneider. À Paris, le théâtre l'emporte. Le jour du repos, ce n'est pas dans les troncs de Notre-Dame et de la Trinité que la foule va mettre des sous. Elle les porte au guichet du Français et de la Porte Saint-Martin. Elle préfère les comédies et les drames de la passion et de l'intérêt à l'invariable histoire qui berce tous les jours, aux mêmes heures, le public des églises. Elle trouve taillarde supérieure au père Montsabré. Elle délaisse le père Vallée pour la souche. Elle va au concert comme elle allait à Vêpres. Le jour où un peuple comprend la variété, la profondeur, la puissance des maîtres qui font chanter et gémir toutes les passions humaines, toutes les voix de l'air, des eaux et des bois, sur les cordes et dans les cuivres de leurs instruments. Ce jour-là, ce peuple bercé jusqu'alors par le tintement des cloches, l'hymne latin et les réponses monotones, change de religion. Et après avoir répondu « Amen » à l'officiant, bat des mains à Beethoven et à Berlioz. On peut sourire du fanatisme musical des foules qui envahissent les salles où l'amoureux et colonne battent la mesure, conduisent l'exécution d'une symphonie ou d'un drame lyrique. Ce n'en est pas moins là un fait significatif, résultat de siècles de propagande philosophique et artistique. C'est un déplacement de sentiments, un changement d'idéal qui s'accomplisse, pour ainsi dire, sous les yeux de l'observateur. L'évolution humaine est ici perceptible, peut-être saisie sur le fait. Si l'on songe, en effet, qu'il y a 40 ans, 20 ans même, les œuvres acclamées aujourd'hui se produisaient au milieu de l'indifférence et de l'hostilité. On comprend toute l'importance des nouvelles habitudes et quel changement de l'esprit public elles préparent. Jamais croyants massés dans une nef de cathédrale ne furent plus silencieux et plus attentifs que les amoureux de bonne musique, attendant que les premiers essaims de gamme s'envolent de l'orchestre. Tous les gens rassemblés sont bien les fidèles d'un nouveau culte. Tous comprennent la langue mystérieuse que parlent les violons et les flûtes, les hautbois et les cors, les harpes et les bassons. Les maniaques se pâmant aux difficultés instrumentales, aux solos pénibles, aux virtuosités agaçantes, sont certainement en bon nombre. Mais les auditeurs épris de grand art, ceux qui demandent au maître le repos de l'esprit, l'équilibre de la pensée, ne sont pas rares non plus. Toutes les classes confondues, toutes les préférences pouvant s'affirmer, chacun ayant droit à l'applaudissement et à la protestation, une sélection se fait parmi les œuvres produites. Les unes persistent, s'affirment, triomphent enfin. D'autres succombent. Pour d'autres encore, l'issue de la bataille paraît indécise. Mais pour ces dernières, le doute n'est pas possible. L'œuvre qui supporte plusieurs assauts est assurée de la victoire. Il en a été ainsi pour Berlioz, il en sera ainsi pour Wagner et pour les maîtres qui apporteront demain une formule nouvelle. Tous les habitués des concerts l'ont constaté. Le peuple a souvent raison des amateurs dans ses batailles musicales. Que de fois on entend tomber du paradis le mot « vainqueur » arrivant au but comme une flèche, ayant raison du chute. Distingué, émis par un mélomane, effrayé à l'audition d'un accord imprévu ou d'une sonorité inédite. L'intolérance n'est-elle pas le propre des religions? Et les haines entre les sectateurs d'une foi nouvelle ne sont-elles pas les plus féroces? Décidément, le catholicisme n'a qu'à se bien tenir. Il est d'ailleurs une autre raison essentielle pour se plaire dans les salles de concert. Nulle part, les femmes ne se montrent plus charmantes que pendant ces après-midi dominicales de l'hiver parisien. À l'opéra, comme autrefois aux Italiens, il semble qu'il s'agisse surtout de fêtes luxueuses, données en leur honneur, de cérémonies qu'elles doivent présider avec l'impassibilité d'idoles parées, dorées, illuminées par les feux des pierres précieuses. C'est le sacrifice au plaisir de convention, à l'inexorable code mondain. Il est accepté sans révolte, mais voyez, quelle froideur, quelle tristesse hautaine sur les visages de celles qui, à jour fixe, dans la même loge, se tiennent droites et résignées, sous leurs dentelles et leurs diamants, comme le soldat sous les armes. Les femmes n'entrent pas au concert du dimanche avec la même lenteur triomphale. Elles vont là comme à un plaisir discret qu'elles ont le droit de goûter tout à leur aise, sans affectation et sans fatigue. Elles savent qu'elles subiront un délicieux ébranlement de leurs nerfs, qu'elles pourront s'exalter, se souvenir et rêver à loisir dans un coin de la salle, que le jeu des lorgnettes ne les tiendra pas en alerte, que leurs bras et leurs gorges ne seront pas commentés. La Parisienne s'assoit dans son fauteuil, en une attitude imperceptiblement abandonnée. Sa toilette est sombre, faite de nuances éteintes, à peine éclairée par un peu de violet ou de gris clair. Les manches sont collantes, le col hermétiquement fermé. Un brin de voilette tremble au mouvement des cils. La chevelure se montre à peine sous la capote, attachée par un nœud de velours ou de soie sur le côté du visage, seule coquetterie avouée, seule irrégularité dans le correct et savant costume. Rien à reprendre dans l'installation de la mélomane. Les coudes bien appuyés, les pieds bien posés sur le petit banc, le bout des doigts gantés, cachés dans la soie du manchon. Sur les genoux sont le fin mouchoir, l'éventail, le programme, un bouquet de violettes, de ces violettes d'hiver qui répondent à un si doux et si pénétrant parfum de printemps. C'est alors un joli spectacle que de voir cette femme s'animer peu à peu sous l'assaut des ondes harmoniques, sans que rien trouble le repos de son corps, sans une déviation de la ligne serpentine qui court de la fleur de son chapeau à sa bottine. À peine un mouvement de la main, à peine un frisson des épaules. Mais la chair délicate du visage parle, et parle clairement. Aucun arrêt dans les confidences. La volonté ne peut intervenir et imposer silence à cet épiderme révélateur et à ses yeux bavards. Des rougeurs de fièvre montent aux joues, des pâleurs qui blanchissent jusqu'aux lèvres, face subitement sur les traits immobilisés, l'horreur qui sort de l'orchestre avec des éclats terribles, des appels désespérés, des écroulements de sons qui font songer à une catastrophe irrémédiable, la tristesse qui tombe lentement en notes espacées et lugubres, glace d'effroi la spectatrice, la suspende au-dessus d'abîmes sans fond. Elle appartient alors tout entière à la musique. Dans son cœur résonnent les cris des cuivres. Ses nerfs vibrent sous l'archet comme les cordes des violons. Aussi, quelle détente de l'esprit! Quel repos délicieux de tout le corps lorsque la furieuse bataille des instruments s'apaise et se résout en un hymne de douceur et de joie! Des sourires apparaissent vaguement, les yeux brillent dans l'ombre, à l'énervement, à l'irritation physique, réellement éprouvée, succède une sorte de rêve, bercée par le mouvement des mélodies. Elle semble immobile, cette femme attentive et silencieuse. En réalité, tout son être chante, valse, se meut avec une grâce légère, dans une atmosphère lumineuse et parfumée. Dans une contrée bleue et rose qui s'évanouira subitement avec les dernières mesures. Immédiatement, la spectatrice, tout à l'heure joyeuse et toute secouée par le rythme d'une marche de Berlioz, troublée par les sanglots d'une symphonie de Beethoven, redevient la dame perspicace et réservée, qui voit tout sans rien regarder, et marche au milieu de la foule, comme dans son salon. La fête intime qu'elle s'est offerte à elle-même est terminée. Elle s'en va, ayant retrouvé les mouvements réguliers de son petit cœur, les tempes rafraîchies, et se félicite intérieurement de l'émotion sincère qu'elle vient d'éprouver. Celle-là, c'est la passionnée, celle qui ne complique pas son plaisir, qui n'y ajoute ni un ennui, ni un ridicule. Combien d'autres seraient intéressantes à observer pendant ces demi-journées musicales? Combien variés, nuancés et puérils sont les sentiments que la musique fait naître et développe chez les jeunes filles, les vieilles dames et les femmes d'âges intermédiaires? Quelles éclosions de pensées, de keepsake, fleuries comme des lys, ailées comme des chérubins bêta, et quelles singulières perversion du goût et des sens. Le plus triste, n'est-ce pas, c'est encore le spectacle de la grande demoiselle qui vient avec sa mère ou sa gouvernante, soucieuse, comme si elle allait à son cours, chargée de rouleaux de cuir et de partitions. La tête penchée sur son papier, rayée de portée, hérissée de clés, de dièses, de bémols, de bécards, de triples croches, criblée de notes, la pauvre enfant doit, à n'en pas douter, passer des heures pénibles à déchiffrer la partie de piano du concerto joué sur la scène, le morceau odieux, obsédant, interminable, le seul morceau du programme pour lequel on l'est amené. Eh bien non, elle ne souffre pas, elle est au contraire heureuse, elle adore ce concerto. Elle vient l'entendre avec l'ambition de le loger dans sa mémoire, d'en faire passer les difficultés dans ses doigts. Revenue chez elle, elle l'apprendra, le jouera, le rejouera sans cesse, et quand elle aura fini, elle recommencera, et partout, et pendant toute sa vie, chez elle, chez ses parents, chez ses amis. Voilà pourquoi la jeune fille, amenée par sa gouvernante, est si douce et si impénétrable, paraît si insensible aux tortures infligées par la musique difficultueuse. Elle est sûre d'une revanche certaine. Elle sait d'une manière absolue qu'elle se servira un jour de l'instrument de son supplice pour supplicier les autres. Elle sait qu'après avoir été victime, elle sera bourreau, et pour toujours. De là, son sourire énigmatique. Fin de la section 78, lue par Margot.